Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Troisième partie, chapitre 14. L'hiver vint peu à peu, s'étendit comme un linceul qu'on laisserait très lentement tomber. Les journées grises passèrent après les journées grises, mais Yann ne reparut plus. Et les deux femmes vivaient bien abandonnées. Avec le froid, leur existence était plus coûteuse et plus dure. Et puis la vieille Yvonne devenait difficile à soigner. Sa pauvre tête s'en allait. Elle se fâchait maintenant, disait des méchancetés et des injures. Une fois ou deux par semaine, cela la prenait, comme les enfants, à propos de rien. Pauvre vieille! Elle était encore si douce dans ses bons jours clairs que Go ne cessait de la respecter ni de la chérir. Avoir toujours été bonne et finir par être mauvaise. Étaler à l'heure de la faim tout un fond de malice qui avait dormi durant la vie, toute une science de mots grossiers qu'on avait cachés, quelle dérision de l'âme et quel mystère moqueur. Elle commençait à chanter aussi, et cela faisait encore plus de mal à entendre que ses colères. C'était au hasard des choses qui lui revenaient en tête, des orémus de messe, ou bien des couplets très vilains qu'elle avait entendus jadis sur le port, répétés par des matelots. Il lui arrivait d'entonner les fillettes de Paimpol, ou bien, en balançant la tête et battant la mesure avec son doigt, elle prenait « Mon mari vient de partir pour la pêche d'Islande, mon mari vient de partir, il m'a laissé sans le sou, mais tralala, tralalou, j'en gagne, j'en gagne !» Chaque fois, cela s'arrêtait tout court, en même temps que ses yeux s'ouvraient bien grands dans le vague, en perdant toute expression de vie, comme ces flammes déjà mourantes qui s'agrandissent subitement pour s'éteindre. Et après, elle baissait la tête, restait longtemps caduque, en laissant pendre la mâchoire d'en bas, à la manière des morts. Elle n'était plus bien propre non plus. Et c'était un autre genre d'épreuve sur lequel Go n'avait pas compté. Un jour, il lui arriva de ne plus se souvenir de son petit-fils. « Sylvestre ? Sylvestre ? » disait-elle à Go, en ayant l'air de chercher qui ce pouvait bien être. « Ah, dame, ma bonne, tu comprends, j'en ai eu tant quand j'étais jeune des garçons, des filles et des garçons, qu'à cette heure, ma foi !» Et en disant cela, elle lançait en l'air ses pauvres mains ridées, avec un geste d'insouciance presque libertine. Le lendemain, par exemple, elle se souvenait bien de lui, et en citant mille petites choses qu'il avait faites ou qu'il avait dites, toute la journée elle le pleura. Oh, s'éveiller d'hiver, quand les branchages manquaient pour faire du feu, travailler ayant froid, travailler pour gagner sa vie, coudre menu, achever avant de dormir les ouvrages rapportés chaque soir de Paimpol. La grand-mère Yvonne, assise dans la cheminée, restait tranquille, les pieds contre les dernières braises, les mains ramassées sous son tablier. Mais au commencement de la soirée, il fallait toujours tenir des conversations avec elle. « Tu ne me dis rien, ma bonne fille. Pourquoi ça, donc ? Dans mon temps à moi, j'en ai pourtant connu de ton âge qui savait causer. » Me semble que nous n'aurions pas l'air si tristes, là, toutes les deux, si tu voulais parler un peu. » Alors Go racontait des nouvelles quelconques qu'elle avait apprises en ville, ou disait les noms des gens qu'elle avait rencontrés en chemin, parlait de choses qui lui étaient bien indifférentes à elle-même, comme du reste, tout au monde à présent, puis s'arrêtait au milieu de ses histoires quand elle voyait la pauvre vieille endormie. Rien de vivant, rien de jeune autour d'elle, dont la fraîche jeunesse appelait la jeunesse, sa beauté allait se consumer, solitaire et stérile. Le vent de la mer qui arrivait de partout agitait sa lampe, et le bruit des lames s'entendait là, comme dans un navire, en l'écoutant. Elle y mêlait le souvenir, toujours présent et douloureux de Yann, dont ces choses étaient le domaine. Durant les grandes nuits d'épouvante, où tout était déchaîné et hurlant dans le noir du dehors, elle songeait avec plus d'angoisse à lui. Et puis seule, toujours seule avec cette grand-mère qui dormait. Elle avait peur quelquefois, et regardaient dans les coins obscurs, en pensant aux marins ses ancêtres, qui avaient vécu dans ces étagères d'armoires, qui avaient péri au large pendant de semblables nuits, et dont les âmes pouvaient revenir. Elle ne se sentait pas protégée contre la visite de ces morts par la présence de cette si vieille femme qui était déjà presque des leurs. Tout à coup, elle frémissait de la tête aux pieds, en entendant partir du coin de la cheminée un petit filet de voix cassé, flûté, comme étouffé sous terre. D'un ton guilleret qui donnait froid à l'âme, la voix chantait. Pour la pêche d'Islande, mon mari vient de partir. Il m'a laissé sans le sou, mais tralala, tralalou. Et alors, elle subissait ce genre particulier de frayeur que cause la compagnie des folles. La pluie tombait, tombait, avec un petit bruit incessant de fontaine. On l'entendait presque sans répit ruisseler dehors sur les murs. Dans le vieux toit de mousse, il y avait des gouttières qui, toujours aux mêmes endroits, infatigables, monotones, faisaient le même tintement triste. Elles détrempaient par places le sol du logis, qui était de roches et de terre battue, avec des graviers et des coquilles. On sentait l'eau partout autour de soi. Elle vous enveloppait de ses masses froides, infinies. Une eau tourmentée, fouettante, s'émiettant dans l'air et pécissant l'obscurité, et isolant encore davantage les unes des autres les chaumières éparses du pays de Ploubazlanec. Les soirées du dimanche étaient pour Gaux les plus sinistres, à cause d'une certaine gaieté qu'elles apportaient ailleurs. C'étaient des espèces de soirées joyeuses, même dans ces petits hameaux perdus de la côte. Il y avait toujours, ici ou là, quelques chaumières fermées, battues par la pluie noire, d'où partaient des chants lourds. Au-dedans, des tables alignées pour les buveurs, des marins se séchant à des flambées fumeuses, les vieux se contentant avec de l'eau-de-vie, les jeunes courtisant des filles, tous allant jusqu'à l'ivresse et chantant pour s'étourdir. Et près d'eux, la mer, leur tombeau de demain, chantait aussi, emplissant la nuit de sa voix immense. Certains dimanches, des bandes de jeunes hommes, qui sortaient de ces cabarets-là ou revenaient de Paimpol, passaient dans le chemin près de la porte des Mohans. C'étaient ceux qui habitaient à l'extrémité des terres, vers Port-et-Vent. Ils passaient très tard, échappés des bras des filles, insouciants de se mouiller, coutumiers des rafales et des ondées. Gaux tendait l'oreille à leurs chansons et à leurs cris, très vite noyés dans le bruit des bourrasques ou de la houle, cherchant à démêler la voix de Yann, se sentant trembler ensuite quand elle s'imaginait l'avoir reconnue. N'être pas revenu les voir, c'était mal de la part de ce Yann. Et mener une vie joyeuse, si près de la mort de Sylvestre, tout cela ne lui ressemblait pas. Non, elle ne le comprenait plus décidément, et malgré tout, ne pouvait se détacher de lui, ni croire qu'il fût sans cœur. Le fait est que depuis son retour, sa vie était bien dissipée. D'abord, il y avait eu la tournée habituelle d'octobre dans le golfe de Gascogne. Et c'est toujours pour ces Islandais une période de plaisir, un moment où ils ont dans leur bourse un peu d'argent à dépenser sans souci, de petites avances pour s'amuser, que les capitaines donnent sur les grandes parts de pêche, payables seulement en hiver. On était allé, comme tous les ans, chercher du sel dans les îles, et lui s'était repris d'amour à Saint-Martin-de-Ré, pour certaines filles brunes, sa maîtresse du précédent automne. Ensemble, ils s'étaient promenés, au dernier gai soleil, dans les vignes rousses toutes remplies du chant des alouettes, tout embaumées par les raisins mûrs, les œillets des sables et les senteurs marines des plages. Ensemble, ils avaient chanté et dansé des rondes à ces veillées de vendanges où l'on se grise, d'une ivresse amoureuse et légère, en buvant le vin doux. Ensuite, la Marie ayant poussé jusqu'à Bordeaux, il avait retrouvé dans un grand estaminet tout en dorure la belle chanteuse à la montre et s'était négligemment laissé adorer pendant 8 nouveaux jours. Revenu en Bretagne au mois de novembre, il avait assisté à plusieurs mariages de ses amis, comme garçon d'honneur, tout le temps dans ses beaux habits de fête et souvent ivre après minuit sur la fin des bals. Chaque semaine, il lui arrivait quelque aventure nouvelle que les filles s'empressaient de raconter à Gaux, en exagérant. 3 ou 4 fois, elle l'avait vu de loin venir en face d'elle sur ce chemin de Ploubazlanec, mais toujours à temps pour l'éviter. Lui aussi, du reste, dans ces cas-là, prenait à travers la lande. Comme par une entente muette, à présent, il se fuyait.